Section 40 de Le mari de Charlotte par Hector Malot. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johann. Deuxième partie, chapitre 9. Georges sortit, Charlotte se laissa tomber sur un fauteuil. En présence de Georges, le sentiment de la défense personnelle l'avait soutenue. Elle avait eu conscience qu'il fallait qu'elle gardât toute sa raison, et quand même elle l'avait gardée. Mais seule, elle céda sous le poids écrasant du coup qui venait de s'abattre sur elle. Emmanuel menaçait de folie. Était-ce possible? Il est des malheurs auxquels on est pour ainsi dire préparé, si affreux qu'ils puissent être. On lui eût rapporté son mari mort qu'elle n'eût pas été plus brusquement foudroyée que par ces quelques mots de Georges. Demain, peut-être, Emmanuel sera fou. Comment eût-elle prévu cette catastrophe? Comment son esprit eût-il insensiblement et progressivement admis cette idée de la folie? Fantasque, oui. Sombre, mélancolique, oui encore, surtout en ces derniers temps. Mais fou, fou, l'homme qu'elle avait toujours vu plein de sagesse, maître de sa volonté et de sa raison dans toutes les circonstances, calme au milieu du danger. Non, cela n'était pas possible. Cette tristesse, cette mélancolie qui s'était emparée de lui en ces derniers temps, c'était la jalousie seule qui les causait. Elle l'avait inquiété en lui parlant de Georges. Elle n'avait pas été assez tendre, ou tout au moins elle n'avait pas été assez expansive dans sa tendresse. Il lui avait maintes fois reproché sa réserve, qui l'appelait de la froideur. Elle le rassurerait, elle lui montrerait qu'elle l'aimait, et ce qu'elle n'avait pas été pour lui, elle le serait désormais. Tout pour qu'il fût heureux. Est-ce que les gens heureux deviennent fous? À ce moment, on tourna brusquement la clé dans la serrure et la porte d'entrée s'ouvrit. C'était Emmanuel, pâle, les lèvres contractées, la respiration oppressée, en proie évidemment à une violente émotion. « Toi ! » s'écria-t-elle, « tu m'as fait peur ? » « Ah, je t'ai fait peur ! » Il la regarda avec une étrange fixité, puis quand il la quitta des yeux, ce fut pour examiner attentivement le salon. Allant d'un meuble à l'autre, il s'arrêta longtemps aux deux sièges qui avaient été occupés par Georges et par Charlotte pendant la fin de leur entretien. Par leur position, il disait clairement comment les interlocuteurs avaient été placés. Les journaux que Charlotte lisait au moment de l'arrivée de Georges avaient été jetés par elle sur une table et recouverts par un ouvrage en tapisserie auquel elle travaillait depuis quelques semaines. Emmanuel souleva cette tapisserie et trouva le paquet de journaux. « Ah, tu lisais les journaux ? » dit-il, en la regardant de nouveau. « Oui, tu en as fait acheter beaucoup. J'ai envoyé acheter des journaux et on me les a tous apportés. Tu prends donc intérêt aux journaux maintenant. » « Une fois, par hasard ?»« Par hasard. » Il se passa la main sur le front comme pour chasser les idées qui se présentaient à son esprit. « Tu es surprise de ma rentrée, » dit-il, après un moment de silence. « Assurément. » « Tu ne m'attendais pas si tôt. Je t'attendais à ton heure ordinaire. Mais ce n'est pas ton retour qui me surprend. C'est ton air inquiet. Ce sont ces questions. Qu'as-tu ?»« Rien. » En disant ce mot, il détourna la tête, mais presque aussitôt, il vint à sa femme et lui prenant les deux mains. « Ce n'est pas vrai, » dit-il. « J'ai quelque chose et je suis honteux d'agir comme je le fais depuis 5 minutes avec une femme telle que toi. Pardonne-moi. »« De tout cœur, mon ami. » Et d'autant plus facilement que je ne vois pas ce que j'ai à te pardonner. Tu as bien le droit, il me semble, de me poser des questions. Non, au moins pas dans cette forme, et d'une manière détournée. Avec une femme loyale telle que toi, on ne prend point ces chemins honteux. Quand on veut savoir une chose, on la demande franchement. Et que veux-tu savoir? Demande! Je suis prête à te répondre. Il se recueillit un moment, et elle le vit pâlir. Ses mains tremblaient. Elle-même ressentit une commotion au cœur. Évidemment, il allait se passer quelque chose de grave. Il baissa les yeux et d'une voix sourde, « Tu n'as pas vu Georges ?»« Georges ?»« Oui, Georges. Je te demande si Georges ne sort pas d'ici. » Elle resta suffoquée par l'émotion et la frayeur. Que répondre ? La vérité ? Mais comment la dire ? Comment raconter ce qui s'était passé entre eux ? Une question en entraînerait une autre. Elle serait amenée à tout dire ou, si elle parvenait à cacher le terrible secret qu'elle avait reçu, et il faudrait bien qu'elle le cachât, elle le ferait si mal qu'Emmanuel se sentirait trompé et sa jalousie s'exaspérerait. Alors qu'arriverait-il ? Tu ne réponds pas, dit-il après quelques secondes, d'un silence terriblement long pour tous deux. C'est que la question est de telle nature que... Je comprends qu'elle te surprenne, mais de ton côté tu dois comprendre aussi que je ne te l'adresse pas à la légère. Ce n'est pas une plaisanterie qui me fait ainsi trembler les mains et qui étrangle mes paroles dans ma gorge. Tu ne vois pas mon trouble ? Il m'épouvante ? Il ne faut pas qu'il t'épouvante, mais il est bon qu'il te fasse sentir que tu dois répondre à ma question, si étrange qu'elle puisse te paraître. J'ai des raisons pour te poser cette question. Un autre à ma place ne dirait pas ses raisons, et voulant interroger sa femme sur un fait tel que celui que je te demande, il procéderait probablement avec adresse. J'ai horreur de l'adresse et des moyens détournés qu'elle emploie. Je ne veux que la franchise et la loyauté. Je te dis donc pourquoi je te pose ma question. Il y a 10 minutes, en arrivant au haut du grand escalier, j'ai aperçu de loin un monsieur qui sortait d'ici, ou tout au moins qui tirait la porte de cet appartement. Ce monsieur s'est tourné vers moi comme pour descendre par l'escalier que je venais de monter. J'étais en pleine lumière et par conséquent parfaitement visible. Lui, au contraire, était dans l'ombre du corridor et par conséquent on ne pouvait pas voir sa figure. Cependant, à la démarche et à l'ensemble de sa personne, il m'a semblé reconnaître Georges. Georges, sortant de ta chambre, c'était impossible. En disant ces derniers mots, Emmanuel eut une contraction qui arrêta les paroles dans sa gorge. Mais bientôt, il continua. Ce monsieur, que ce fût Monsieur Georges ou un autre, m'ayant aperçu au milieu du palier, tourna brusquement sur lui-même. Et au lieu de continuer à venir vers moi comme il venait, il fila rapidement devant moi, de manière à descendre par l'autre escalier. Je le suivis. Un geste échappa à Charlotte, qui fut remarqué et compris par Emmanuel. « Comment, moi, ai-je suivi un homme qui sortait de chez toi » fit-il. « C'est là ce que signifie ce mouvement que tu n'as pas pu retenir ? Je te l'expliquerai, car l'heure des explications a sonné, il faut que tout ce qu'il y a d'obscur entre nous soit éclairci. Mais plus tard. Pour le moment, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. En suivant l'homme qui marchait rapidement dans l'ombre devant moi, je calculais qu'il allait bientôt passer dans la lumière et que je pourrais le reconnaître. J'allongeai le pas, mais lui aussi allongea le sien. Cette poursuite était vraiment ridicule. J'eus honte de moi, je m'arrêtai. D'ailleurs, celui que je suivais allait arriver à l'escalier et en tournant, il me présenterait son visage de profil. Je verrais bien si c'était Georges. Mais je m'étais trompé. Au lieu de prendre l'escalier, il prit le corridor qui continue à droite et de cette manière, je ne vis toujours que son dos. La réflexion avait eu le temps de calmer ma première émotion, je ne continuai point à le suivre. Il m'était impossible de supporter les regards des gens de service qui nous examinaient curieusement. Je descendis l'escalier, et comme je prenais le chemin le plus court, j'allais l'attendre en bas. Ce n'était pas une fausse ressemblance, c'était bien Georges. J'allais droit à lui. Charlotte écoutait ce récit avec une poignante anxiété, les yeux baissés, n'osant pas regarder son mari, mais elle avait eu le temps de se remettre de son premier trouble, et maintenant elle veillait sur elle, décidée à ne répondre que quand elle saurait tout. Selon mon habitude, je procédais avec Georges comme je viens de procéder avec toi, continua Emmanuel. Je lui posais directement une question. Pourquoi donc m'as-tu évité tout à l'heure ? Lui dis-je. Il me répondit, avec toutes les apparences de la sincérité, je dois le reconnaître, qu'il ne comprenait pas ce que je voulais dire. Il n'était pas venu au Grand Hôtel pour nous, mais pour un Américain, un de ses amis, qu'il me nomma. Ce n'était pas lui que j'avais aperçu à ta porte et que j'avais suivi. La preuve, c'est qu'il n'était monté qu'au premier et nous habitons le second. Je fus confondu de cette assurance, car, enfin, je l'avais vu, comme je te vois. J'insistai. Lui, de son côté, persista dans ses dénégations. La situation était étrange. Comment en sortir ? Fallait-il croire mes yeux ou bien fallait-il croire Georges ? Qu'aurais-tu fait ? Mais je ne sais, j'aurais été décontenancée. La question engagée comme elle l'était n'avait pas de solution possible. Il fallait en effet dire à Georges qu'il mentait ou bien il fallait reconnaître que je ne l'avais pas vu. J'abandonnai Georges et je vins à toi. Tu sais que j'ai toujours pris la défense de Georges et que je n'ai jamais voulu admettre les accusations qu'on porte contre sa loyauté. Mais enfin, je n'ai pas en lui la confiance que j'ai en toi. Georges peut très bien vouloir arranger la vérité. Toi, tu ne le peux pas. Tu es la sincérité même et d'un autre côté, tu n'as pas, j'en suis certain, à l'avance, les mêmes raisons que Georges pour ne pas répondre franchement. Dans notre rencontre d'hier, il m'a fait toutes sortes de questions sur moi, sur toi, sur ta santé, même sur la mienne, auxquelles je n'ai pas répondu. Aujourd'hui, il a voulu sans doute satisfaire sa curiosité, et c'est ainsi que je m'explique sa visite, si toutefois tu as reçu sa visite. Mais, il l'arrêta vivement, note bien, ma chère Charlotte, que j'ai pleine foi en ta parole, et que c'est cette foi qui me dicte ma demande. À personne, bien entendu, je n'adresserai une pareille question. Mais pour moi, tu le sais d'ailleurs, tu es au-dessus du soupçon. Dis-moi qu'il fait nuit en ce moment, alors qu'un rayon de soleil se joue dans ses rideaux, je croirai ta parole, et récuserai le témoignage de mes yeux. Toi seul peux me tirer de la situation inextricable au milieu de laquelle je me débats comme dans une nuit noire. J'ai vu un homme à la porte de cet appartement. Cet homme, mon ami, me dit que je me suis trompé. Je m'adresse à toi, à ta franchise, à ta loyauté. Ai-je été le jouet d'une hallucination? Ou bien suis-je victime d'un mensonge? As-tu vu Georges ou ne l'as-tu pas vu? Elle hésita quelques secondes, puis d'une voix basse, mais ferme cependant, « Je ne l'ai pas vu, » dit-elle. Fin de la section 40.